Miroir brisé et rose. Une histoire écrite par Alita Yoru et lue par J0305. Résumé. Deux femmes aussi blessées l'une que l'autre. Dans la forêt enchantée, quelque part entre le royaume de Cendrillon et le château de la méchante reine, Regina observait son miroir magique avec lassitude. Chaque jour, il lui répétait qu'elle était la plus belle, la plus cruelle, la plus puissante, mais jamais qu'elle était heureuse, parce qu'elle ne l'était pas. Javotte s'était enfui du manoir Trémène après une dispute de trop, pas à propos d'un prince cette fois, mais parce qu'il avait refusé un mariage arrangé avec un noble sans cœur. Elle n'en pouvait plus d'être un pion dans les plans de sa mère. Elle voulait vivre pour elle-même, être libre, être vue. Le destin, moqueur comme toujours, les fit se rencontrer dans une clairière secrète. Regina cherchait des herbes pour une potion. Javotte y trouvait refuge, pieds nus, robe tachée de boue, mais le menton bien levé. « Et que fait une Trémène dans ma forêt, sans chaperon ni arrogance ?» demanda Regina hautaine. « Ce que vous ne pouvez pas faire, Majesté, fuir !» répondit Javotte avec un sourire en coin. Regina aurait dû la punir. D'un regard, elle pouvait l'écraser. D'un mot, la transformer en corbeau ou en coquerelle. Mais elle ne le fit pas. Il y avait chez cette jeune femme une flamme qu'elle reconnaissait, une douleur familière, une colère partagée. Les jours suivants, elles se retrouvèrent, toujours dans cette même clairière. Regina apportait parfois une pomme rouge sang. Javotte cueillait des fleurs. Elles parlaient de leur enfance, de leur mère, du pouvoir, des chaînes invisibles. Et puis un soir, alors que l'orage grondait au loin, et que la forêt sentait la terre mouillée, Javotte murmura « Je ne suis pas une héroïne, et vous non plus. Mais parfois, j'aimerais croire que deux vilaines filles peuvent se sauver l'une l'autre. » Regina, la main tremblante, effleura sa joue. « Nous ne sommes pas des héroïnes, non. Mais ici, loin du monde, nous pouvons être vraies. » Ce soir-là, entre les racines tordues et les éclairs, elles s'embrassèrent. Un baiser volé, hors du temps. Ni une malédiction, ni une promesse. Juste une flamme dans l'obscurité. Mais dans la forêt enchantée, rien ne dure éternellement. Lady Trémène retrouva sa fille. Regina, rongée par la peur d'être vue comme faible, mit fin aux rencontres. Le miroir redevint froid, la clairière vide. Des semaines plus tard, en traversant une aile oubliée de son château, Regina trouva sur une table de pierre une rose pourpre, fraîche, inexplicable. Le vent souffla doucement à travers les vitraux brisés, et dans un souffle, presque une illusion, elle crut entendre « Même les vilaines filles méritent l'amour. » Fin. Merci d'avoir écouté.